Le métier de journaliste n'est pas toujours facile, surtout quand on débute. Surtout quand on est chargé de la rubrique des chiens écrasés. Alors, il peut arriver qu'on se trouve dans l'impasse quand on n'a rien à se mettre sous la dent. Et pourtant, il faut donner de la copie. Didier Demangeant est assis devant sa machine à écrire. Une magnifique page blanche est engagée dans le chariot de la machine. Au dehors, une petite pluie fine tombe sur le Havre. Un temps à vous flanquer le cafard. Téléphone sonne. Didier laisse la sonnerie envahir l'appartement. Il n'est pas pressé de répondre car il sait déjà qui l'appelle et pourquoi. Enfin, il décroche le combiné. Demangeant, j'écoute. Ah, c'est toi Didier, ici Nathalie. Tu devines pourquoi je t'appelle? Oui, je sais, le père Raguet s'impatiente et attend ma copie. Ben, je suis désolé, mais j'ai rien à lui fournir. J'ai beau attendre à l'arrivée de tous les bateaux, pas le moindre écho qui justifie que je noircisse des pages. Écoute, il faut que tu nous envoies 100 lignes au moins. On boucle demain soir. Trouve n'importe quoi, mais écris quelque chose d'intéressant. Raguet est furieux et tu risques de te faire vider si tu ne réponds pas. Ah, il est marrant, Raguet. Je ne vais pas inventer n'importe quoi. En ce moment, c'est le calme plat. Il n'y a rien de rien. Pas d'assassinat, pas de vol, pas de vedette. Il pleut. Voilà, il pleut. Un point, c'est tout. Eh bien, débrouille-toi. Je suis certaine que tu vas nous téléphoner un truc sensationnel. Tiens, voilà Raguet qui arrive. Je raccroche. Bise. Demangeant raccroche le combiné. Ah, il commence à me les briser, le père Raguet. Quand il se passe rien, il se passe rien, quoi. Le journaliste enfile son imperméable, met son feutre un peu en arrière et sort à la recherche de sensationnel. Et quand 2 heures plus tard, il revient chez lui, la situation n'a pas évolué d'un centimètre. Calme plat sur toute la ligne. Et à Paris, le père Raguet, le rédacteur en chef, attend toujours ses 100 lignes de sensationnel. La carrière de Didier Demangeant risque d'être très, très compromise. Bon, bah écoute, tu veux de la copie, tu vas en avoir. Et encore aux petits oignons. Allez, allons-y, mon vieux Raguet. Didier se met devant sa machine et commence à taper avec 2 doigts, comme tout bon journaliste qui se respecte. Le Havre, 15 mars 1937, de notre correspondant Didier Demangeant. À l'arrivée du Ville du Havre, ce matin, 2 passagers ont débarqué, arrivant tout droit du Canada. Nous les avons rencontrés au bar du Select et l'histoire qu'ils nous ont racontée prouve que l'aventure est encore possible en plein XXe siècle. Nos 2 voyageurs nous ont demandé de respecter leur anonymat, mais laissons-leur la parole. Demangeant maintenant accélère le rythme. La petite sonnerie qui marque le retour du chariot trouble seul le silence de la chambre. Quand Demangeant a terminé ses 100 lignes, il relit sa copie, corrige 1 ou 2 formules, supprime 1 répétition et estime qu'il est temps de transmettre par téléphone son article sensationnel à la direction de l'hebdomadaire et au père Raguet qui l'attendent à Paris. Ah, tu veux du sensationnel? Je vais t'en faire du sensationnel. L'article sort dans le numéro suivant, dans la rubrique « Ce monde est incroyable ». Pas un mot n'y a été changé. Raguet, le rédacteur en chef, téléphone à Demangeant pour lui dire « Superbe, hein. Ah ça superbe, cette histoire des chercheurs d'or, ça c'est formidable. Vous voyez mon petit Demangeant, il suffit de s'accrocher et on trouve toujours de quoi faire de la bonne copie. Il faut me suivre cette affaire, hein. Ça me semble passionnant. » Demangeant répond « Oui, patron, je vais essayer d'en savoir davantage. Je vous tiens au courant. » Elle est bien bonne celle-là. Demangeant a strictement tout inventé. Dans son histoire, 2 jeunes chercheurs d'or reviennent du Canada. Là-bas, dans les profondeurs glacées du Yukon, ils ont un jour découvert un squelette au pied d'une falaise. Auprès du squelette, quelques objets. Au doigt du squelette, une chevalière. Les 2 explorateurs ont réussi à se hisser jusqu'en haut de la falaise et après quelques kilomètres dans la neige, ils ont découvert une cabane abandonnée. Cette cabane devait être le camp de base du malheureux dont ils ont découvert les restes. Dans la cabane, des sacs de quartz aurifères indiquent que le disparu était un chercheur d'or. Les 2 garçons réalisent qu'ils sont au centre d'un placer. Ils se rendent à Whitehorse, la ville la plus proche, et se renseignent. On leur dit que personne n'a déposé de demande pour une concession concernant ce territoire. Alors ils remettent au shérif la chevalière trouvée sur le squelette et ils en profitent pour faire une demande de concession en leur nom propre. Et aujourd'hui, après 2 ans d'exploitation, ils reviennent en France histoire de se refaire une petite santé. Ah, Demangeant, peut-être content de lui, il vient d'inventer une histoire digne des meilleurs romans feuilletons. De toute manière, dans 2 jours, les lecteurs auront tout oublié et personne n'y pensera plus. C'est là où Demangeant se trompe lourdement. 2 mois plus tard, le téléphone sonne chez Demangeant. Allô, c'est vous mon petit Didier? Ici c'est Raguet. Dites donc, Il y a du nouveau dans votre histoire. On vient de recevoir une lettre d'une certaine Mathilde de Ferrières. Elle a lu votre reportage et elle est persuadée que les deux prospecteurs que vous avez rencontrés ont découvert le squelette de son frère. Eh oui, il est parti il y a 5 ans dans le Yukon pour y chercher de l'or et n'a plus jamais donné de ses nouvelles. Faudrait demander au shérif de Whitehorse la description de la chevalière. Cela permettrait d'identifier le squelette. Il s'agit, d'après elle, de son frère Thibaut de Ferrières. De Mangeon ne sait trop que répondre. Ah ben ça c'est formidable. Ah ben oui, ça serait bien si c'était son frère. Enfin, je veux dire, ça serait triste, mais intéressant. C'est fou ce que cette histoire a comme rebondissement, hein. Ah, pour être fou, on peut dire que ça l'est. Comment cette mademoiselle de Ferrières a-t-elle pu croire suffisamment au roman inventé par De Mangeon pour y reconnaître son frère? De Mangeon est un peu inquiet, mais après tout, que risque-t-il? On va contacter le shérif de Whitehorse. Il répondra, Dieu sait dans combien de temps, qu'il n'a aucune trace de chevalière ni de squelette découvert au pied d'une falaise. Et puis, tout retombera dans l'oubli. Il y aura 1000 raisons plausibles pour expliquer qu'on n'aboutisse à rien. Les semaines passent. Eddie de Mangeon continue son dur métier de correspondant exclusif. Dieu merci. Il parvient toujours à fournir de la copie au père Raguet, mais il faut bien l'avouer, rien n'est aussi excitant, bien sûr, que l'aventure du squelette et des chercheurs d'or. De Mangeon sommeille encore quand le téléphone sonne. C'est vous, mon petit De Mangeon ? Je vous rappelle pour l'histoire du squelette du Yukon. Ça y est, on a reçu une réponse du shérif de Whitehorse, hein, et grâce au Yukon Telegraph, nous avons reçu par Bellino une photo de la chevalière. Une photo de la chevalière? Mais quelle chevalière? Bon, enfin, la chevalière trouvée par les deux chercheurs d'or que vous avez interviewés. N'êtes pas éveillé, mon petit! La chevalière du squelette! Le shérif avait la chevalière du squelette? Ah ben ça alors! Mais comment est-ce possible? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Comment est-ce possible? Mais ne me dites pas que vous avez oublié votre propre article! Eh bien, maintenant, c'est que... De Mangeon sent qu'il a la tête en feu, il ouvre déjà la bouche pour tout avouer au père Raguet, pour lui dire « Mais tout ça c'est du bidon, je n'ai rencontré aucun chercheur d'or, il n'y a pas de squelette, pas de chevalière, pas de filon orifère, j'ai tout bidonné pour vous fournir vos foutues 100 lignes de copies sensationnelles !» Mais l'instinct de survie professionnelle fait que De Mangeon ne dit rien. D'ailleurs, à quoi bon faire des aveux puisque, de toute évidence, la réalité rattrape la fiction. « Ah, c'est drôlement intéressant, patron !» Et cette chevalière, vous allez la faire voir à mademoiselle de... Comment s'appelle-t-elle? Mademoiselle de Ferrières. Mais oui, nous l'attendons. Elle nous en avait donné une description précise dès le début. Il n'y a pas de doute, hein. La chevalière remise au shérif de Whitehorse est bien celle de Xavier de Ferrières. Le blason est bien tel que sa sœur nous l'avait décrit. Dès qu'elle a su que nous avions des nouvelles de Whitehorse, elle nous a dit qu'elle sautait dans le train pour venir nous voir. Alors je vous tiens au courant, hein. Mais enfin, mon petit De Mangeon, je vous félicite encore pour votre interview, hein. C'est devenu une sorte de feuilleton qui passionne les lecteurs. Nous recevons un courrier formidable, et vous avez vu que cette histoire est passée en première page des derniers numéros. Mademoiselle de Ferrières, dès qu'elle a en main l'image de la chevalière transmise par Bellino, ne peut retenir ses larmes. Mon pauvre Xavier. Il n'y a pas de doute, c'est sa chevalière, c'est bien lui. Après tout, votre frère... aurait pu s'en séparer, la vendre, se la faire voler. Oh, jamais de la vie. D'ailleurs, tenez, je porte moi aussi les armes de la famille sur ma chevalière. Vous voyez, le blason est le même. Le shérif de Whitehorse vous a-t-il donné d'autres détails? Eh bien, il nous a communiqué les noms des deux jeunes chercheurs d'or qui ont découvert les restes de votre frère. D'ailleurs, ils sont revenus là-bas et ils ont repris l'exploitation du filon. Le shérif nous a indiqué qu'il possède encore une partie de l'équipement de votre malheureux frère. Si vous pouviez vous rendre sur place, vous pourriez peut-être reconnaître quelques objets personnels trouvés dans sa cabane. Mademoiselle de Ferrières hésite un peu et déclare « Il est de mon devoir de me rendre à Whitehorse. Je veux m'incliner sur la tombe de mon pauvre Xavier. Et puis, j'aimerais connaître les deux jeunes gens qui m'ont permis de mettre fin à cette attente angoissante. » Mademoiselle de Ferrières a aussi une petite idée derrière la tête, mais elle n'éprouve pas le besoin pour l'instant d'en faire part aux journalistes. Quelques mois plus tard, Didier de Mangeon, de plus en plus perplexe, reçoit un nouveau coup de fil du père Raguet qui lui annonce. « Vous savez, mademoiselle de Ferrières, hein, la sœur du squelette, eh bien elle s'est rendue au Yukon. Ah, vous parlez de l'expédition pour une vieille fille. Et là-bas, elle est allée jusqu'à Whitehorse. Et elle a reconnu les objets personnels de son frère. Et elle a rencontré vos deux chercheurs d'or. Elle a pris un avocat, elle a signé un contrat... Les deux garçons, qui sont désormais propriétaires du filon, ont consenti à lui céder pour les 50 ans à venir un tiers de tout ce qu'ils sortiront du placer découvert par son frère. Didier de Mangean, aujourd'hui encore, se demande comment il a pu inventer une histoire vraie. À moins que l'esprit du défunt Xavier de Ferrières ne lui ait tout soufflé.